La conductrice en état d'ivresse qui a grièvement blessé deux enfants et leurs parents en percutant leur véhicule, c'était samedi dernier. Elle a été mise en examen pour blessure involontaire hier. Récidiviste, cette chef d'entreprise de 45 ans a été incarcérée en détention provisoirement à l'issue de sa présentation au tribunal. Une autre collision entre deux voitures, également à Saint-Gilles, a fait 7 blessés. C'était dimanche matin et selon Le Quotidien paru aujourd'hui, deux victimes de cet accident étaient toujours dans un état critique hier soir. Ils réclament des compteurs d'eau spécifiques et disent que le maire de la commune, André Tianakoun, leur a promis une solution au 1er août, mais ils ne voient toujours rien venir. Les agriculteurs du secteur de Piton-Hyacinthe en ont marre d'attendre. Soutenus par la Chambre d'agriculture, ils manifestaient ce matin devant la mairie du Tampon. Ils ont été reçus par un adjoint et plusieurs cadres de la municipalité, mais leur mobilisation ne semble pas avoir permis de faire avancer le dossier. Sophie Persson. Toujours pas d'avancée dans cet épineux dossier de l'eau agricole dans les hauts du Tampon. Les discussions ont duré plus de 2 heures, mais les solutions qui avaient été évoquées, notamment sur la retenue collinaire des herbes blanches, ne sont finalement pas applicables. En effet, selon la mairie, déjà 210 000 mètres cubes ont été consommés et la retenue a une capacité de 350 000 mètres cubes. On ne peut donc pas raccorder des personnes en plus. Ça aurait pu être une solution d'urgence, mais finalement non. Restent les demandes auprès de Sudéo pour avoir des contrats d'eau agricole et le refoulement depuis Dassy, ce qui doit être traité avec le conseil départemental. Le dossier serait d'ailleurs en cours, affirme la commune. Mais en attendant, aucune solution concrète rapide n'est envisagée pour ces agriculteurs qui manquent d'eau pour nourrir leurs bêtes ou arroser leurs champs. L'apprentissage de la natation est une règle imposée par l'éducation nationale, mais une grande partie des collégiens scolarisés à Salazine ne savent toujours pas nager en fin de troisième. Et pour cause, il n'y a pas de piscine dans leur commune. Mais cela va changer. Ce projet annoncé depuis plusieurs années va devenir réalité. Ce matin, le maire de Salazie, Stéphane Foissin, et le président de la région, Didier Robert, ont posé la première pierre du chantier. Le futur bassin est implanté à Maracitron, juste en face du collège Auguste Lacossade. Olivier de la Réchaudie, vous êtes sur place pour réunion première et ce bassin devrait accueillir ses premiers nageurs d'ici un an, d'ici la rentrée 2017. Oui, eh bien sachez tout d'abord, Antoine, que ces nageurs pourront se baigner et admirer en même temps les cascades salaziennes, puisque la future piscine sera orientée face à la montagne. Altitude oblige, le bassin d'une dimension de 25 mètres par 10 sera maintenu à une température de 27 degrés, essentiellement grâce à l'énergie solaire. Les concepteurs du projet n'estiment qu'à 20% l'apport de la pompe à chaleur. Toujours dans les caractéristiques techniques, à noter le choix d'une piscine en inox et non en béton, un matériau plus facile à entretenir, mais surtout plus adapté au relief du cirque. L'architecte a aussi prévu un bassin de déchloration. C'est une première dans l'île. Il permettra d'évacuer l'eau de la piscine de la nature sans aucune conséquence pour l'environnement. D'un montant total de 3,2 millions d'euros et financé à 90% par la région dans le cadre du plan des relances des communes, la piscine de Salazie coûtera 200 000 euros chaque année à la commune en frais de fonctionnement. Olivier de la Richaudie en direct de Salazie. Midi 6 sur Rayon Première, la suite du journal, Antoine Garnier. On part dans les hauteurs de Saint-André, toujours dans l'Est, sur le site de Mansiol-l'Ermitage où une carrière pourrait bientôt voir le jour afin de fournir un tiers des 20 millions de roches massives nécessaires à la construction des digues de la nouvelle route du littoral. Depuis hier et jusqu'au 22 septembre, les habitants de Saint-André et des communes limitrophes peuvent consulter le dossier du projet en mairie. Étendu sur une trentaine d'hectares, le gisement est plus conséquent que celui de Dioré. Dioré, c'est cette autre carrière saint-andréenne dont l'exploitation n'a toujours pas commencé. Explication avec Alain Sinaretti, l'élu en charge de l'urbanisme à la mairie de Saint-André. Au niveau administratif, toutes les autorisations réglementaires ont déjà été délivrées. Maintenant, la question de la date précise du démarrage des travaux, c'est une discussion qui est actuellement en cours entre le groupement de la nouvelle route du littoral et la société Guintoli. Et très certainement sur la question véritablement du prix des roches. Lorsque cette question du prix de la roche aura été traitée entre ces deux entités, à ce moment-là, le démarrage des travaux pourra être opéré. Il y aura 3 mois d'installation de chantier, les cheminements, etc. Et puis ensuite, l'exploitation réelle pourra commencer. Des propos recueillis au micro Réunion Première d'Olivier de la Richaudière, toujours au sujet des carrières. Didier Robert n'est plus favorable à une consultation de l'ensemble des Réunionnais. C'était pourtant une de ses promesses de campagne lors des régionales de décembre dernier. Le président de la région l'a dit hier soir dans l'émission Devant la Réunion sur Réunion Première Radio. Nous l'avons appris ce matin. À Madagascar, 4 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un couple de jeunes bénévoles français dont les corps ont été retrouvés sur l'île de Sainte-Marie dimanche matin. Les suspects auraient passé la nuit dans la même discothèque que les victimes. Les autorités françaises restent toutefois très prudentes. On écoute les précisions de Romain Nadal, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, est au micro de Tiziana Maron. Le déroulé du crime et la façon dont le crime a été commis sont connus, mais je ne souhaite pas donner d'éléments plus précis, vous le comprendrez, la justice est saisie, une enquête de police est en cours. Ce sont les autorités malgaches qui conduisent actuellement l'enquête. Nous leur faisons confiance, mais nous souhaitons qu'elle aboutisse rapidement et que la justice puisse se prononcer de façon la plus sévère possible face à de tels crimes. Nous souhaitons protéger les familles qui sont aujourd'hui dans le choc, dans le deuil terrible qui vient de les frapper. Donc je ne souhaite pas donner d'éléments qui permettent d'identifier ces familles et ces personnes. Et il n'y a pas de deuil plus terrible que le meurtre de 2 personnes qui s'aimaient, qui vivaient ensemble. L'enquête doit se dérouler, il y a besoin d'une autopsie et ça n'est qu'après et en fonction des demandes des familles que le rapatriement pourra s'organiser. Et mesure exceptionnelle après ce double meurtre, le consul de France sur place a convié tous les ressortissants français à une réunion sur le thème de la sécurité en tout début d'après-midi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour rester concentré toute la journée, on recommande aux jeunes de manger un bon petit déjeuner complet pour tenir au moins jusqu'à midi. Mais que mangent vraiment les lycéens durant leur journée de cours? Est-ce qu'ils obéissent à la règle des 5 fruits et légumes frais quotidiens? Pas vraiment. Les élèves du lycée Georges Brassens de Saint-Denis ont d'autres habitudes. Reportage Émy Faconnier. Si certains vont dévaliser les rayons sucreries de la station-service à quelques pas du lycée, d'autres comme Fabien, 17 ans, s'arrêtent au comptoir du petit camion snack bar installé juste en face de l'établissement. Tous les matins, le jeune homme s'offre un sandwich avant d'entrer en classe. Bon, chez moi, mais je mange un américain, l'histoire de débuter la journée. Et des élèves comme Fabien, Didier Hacquier, le gérant du snack, envoie passer des dizaines tous les matins. Mais le plus surprenant, c'est à l'heure du déjeuner. Même quand ils mangent à la cantine, ils viendront prendre du pain. Les parents, ils payent la cantine, mais ils veulent manger du pain quand même. Ils aiment bien les Américains au poulet, les Américains bouchons, des trucs comme ça. Morgane, 17 ans, est demi-pensionnaire, ce qui veut dire que ses parents payent des repas à la cantine, mais la jeune fille préfère manger au snack tous les midis. Ça les dérange pas, c'est eux-mêmes qui nous donnent l'argent pour acheter à manger au snack bar. Et bon, on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais nous, on aime bien. C'est difficile de perdre nos habitudes et c'est des bons repas. La majorité des élèves du lycée mangent à l'extérieur de l'établissement. Seulement 440 élèves sont pour l'instant inscrits à la cantine sur 1200. Salimata de la Paire, responsable adjointe de l'administration. C'est des élèves qui préfèrent manger à l'extérieur par rapport aux amis, par rapport à ce qu'ils veulent manger. Ils préfèrent les sandwichs alors qu'on a un menu complet chez nous. Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. Un reportage signé Émy Faconnier. Direction Paris, où 3 étudiants réunionnais viennent de créer un site internet appelé Appréciali. C'est le nom de leur entreprise qui permet de commander un apéro réunionnais en plein cœur de la capitale. Nathalie Hérault a rencontré l'un des fondateurs et suivi la préparation d'une commande. Alors ça, c'est de la farine, de l'eau et un petit peu de sel, un petit peu de poivre. C'est une pâte à beignets en fait. Un petit peu de levure aussi, enfin gonfler légèrement. Anaël, Franck et Julien, ils ont tous les 3 26 ans et ont récemment créé le site internet Appréciali. Le concept est simple, l'apéritif est cuisiné par une personne inscrite sur le site en tant que vendeur, puis l'acheteur paie en espèces et récupère son colis. Et ça, c'est parti d'une idée très simple, Anaël raconte. On était dans un bar, puis on commandait à manger, à boire, quoi, des tapas. Et puis on s'est dit, ça nous manque les apéritifs à La Réunion. On aimerait bien, là, pouvoir commander des petits apéritifs. Et puis on s'est dit, allons essayer de monter un truc autour de ce sujet-là. Et on s'est dit, plutôt que nous d'essayer de bien faire ce que d'autres font mieux que nous, essayons de mettre ces gens-là en relation. Flora, étudiante de 25 ans, prépare sa commande. Aujourd'hui au menu, croquettes poulet, samoussa et bouchon porc. Vu que j'aime bien cuisiner, ça me fait plaisir. Les gens, ils sont sympas. Comme on est réunionnais, on se demande où est-ce qu'on habite à La Réunion, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on habite là depuis longtemps. On installe une petite complicité comme ça. Les 3 fondateurs souhaitent étendre les points de vente en région et proposer le même concept à d'autres communautés, indiennes, chinoises ou malgaches. Pour les samoussa, pour les différencier, j'ai marqué sur la petite boîte ce qu'il y avait. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt, je pense. Bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir. Un reportage à Paris signé Nathalie Hérault. Il est midi et 12 minutes sur Réunion Première. Tout de suite, les titres de l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. L'impôt sur les sociétés va baisser pour les PME l'an prochain, passer de 33 à 28% sur une partie de leurs bénéfices. C'est ce qu'assure Manuel Valls dans une interview au magazine L'Express. Le Premier ministre qui réaffirme aussi que le déficit de la France sera bien inférieur à 3% en 2017. 7 personnes en lien avec des réseaux terroristes ont été arrêtées pendant ce mois d'août. C'est ce qu'affirme Bernard Cazeneuve ce matin. 3 d'entre elles au moins avaient des projets constitués d'attentats selon le ministre de l'Intérieur. Est-il possible de percer les communications des djihadistes sur Internet? Les messageries cryptées sont le calvaire des services de renseignement qui luttent contre le terrorisme. Les ministres de l'Intérieur français et allemand sont réunis en ce moment à Paris. Ils voudraient plus de contrôle. Précision dans le prochain journal à 10h. Paris attire moins de touristes qu'avant. La baisse de fréquentation est nette dans toute l'Île-de-France, inédite même depuis 2010, selon le comité régional du tourisme. Et puis eux reviennent sur le sol français. Médaille olympique autour du cou pour certains. Les sportifs de la délégation tricolore rentre de Rio tout à l'heure vers 10h30 et sont reçus ce soir à l'Elysée. France Info. Vous êtes bien sur Réunion Première. Philippe Dornier et Ingrid sont là, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour Antoine. À La Réunion, on connaît évidemment le 20 décembre, la fête de l'abolition de l'esclavage. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'UNESCO a décrété le 23 août, aujourd'hui donc, journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'est dans l'actu, reviens sur cette sombre page de l'histoire, Philippe. Oui, avec 3 invités Antoine, le président du comité Élie, Yvrin Rosalie, l'historien Philippe Bessière et Georges Tergemina, qui est anthropologue. L'histoire de l'esclavage à La Réunion, les commémorations autour de ce passé douloureux. On va revenir sur tous ces sujets dans le débat du 12-13. Et puis j'attends vos questions au 02 62 99 2000. En attendant, allons prendre des nouvelles du temps. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Cet après-midi, la façade est se retrouve sous les nuages et même sous quelques gouttes de pluie par endroits. Dans les cirques et les plaines, nuages et soleil se partageront le ciel. Et dans les hauts du nord-ouest, là aussi, quelques gouttes de pluie seront possibles. Le vent de secteur est est modéré. Certaines rafales pourront atteindre les 45 km/h le long des côtes nord et sud. À Saint-Pierre et dans la région des plages, les brises dominent. La mer est peu agitée à agiter au vent. Une houle de sud-sud-ouest voisine des 2,50 m déferlera le long des côtes ouest et sud. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Première. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Première. Midi 16 sur Réunion Première, la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. C'était il y a 225 ans, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, débutait une insurrection d'esclaves à Saint-Domingue, devenue depuis Haïti. Une révolte qui a joué un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Les esclaves ont en effet été les principaux acteurs de leur libération, ce qui débouchera sur la création de la première République noire. Depuis 1998, l'UNESCO commémore cette date du 23 août, l'idée étant d'inscrire la tragédie de l'esclavage dans la mémoire de tous les peuples. Une journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition qui sera relayée à La Réunion dimanche. Ça se passera du côté de la Grande Chaloupe à la Ravina Jacques. On pourra notamment y visiter le lazaret, vestige de la période esclavagiste à Bourbon. C'est par là que transitaient les engagés. Les voyageurs y étaient placés en quarantaine pour ne pas propager les épidémies qui sévissaient dans leur pays d'origine. Quelles sont les grandes étapes de l'esclavagisme à La Réunion? Comment les victimes de cette atroce pratique se sont-elles révoltées? Les conséquences de cette sombre période sont-elles encore visibles aujourd'hui? C'est dans l'actu sur Réunion Première. 02 62 99 2000 pour tous vos appels au standard, les SMS au 06 92 608 335, les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu et puis le hashtag CDLA première pour Twitter. Trois invités avec nous ce midi, Yvrin Rosali, le président du comité Élie, bonjour. Bonjour. Le comité Élie qui organise cette commémoration autour du 23 août, on va y revenir. L'historien Philippe Bessière, bonjour. Bonjour. Et puis Georges Tergémina, anthropologue, bonjour. Bonjour aussi. Alors le week-end prochain, vous allez commémorer cette journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. On va revenir, je le disais tout à l'heure, sur le programme. Mais d'abord sur cette date du 23 août, en quoi elle est emblématique, Yvrin Rosali? Ben, pourquoi l'emblématique? Ben, c'est la date reconnue par l'UNESCO, donc c'est une date importante pour nous, parce qu'il n'est pas que 20 décembre, et reconnaître la journée souvenance de la traite négrière, elle est très importante pour nous, parce que c'est le début, pour nous, c'est le début de la traite, c'est les arrivées de plusieurs esclaves qui arrivent, et savoir les difficultés, savoir les conditions de vie, comment ils ont vécu. Est-ce que cette page d'histoire qui s'est passée à l'autre bout du globe, elle est assez connue ici à La Réunion finalement. Justement, ici elle n'est pas assez connue parce que nous l'avons remarqué, déjà il fait à nous 6e édition, mais nous l'avons remarqué à chaque année, la première personne, il fait cette journée, il ne commémore pas, c'est un peu dommage. Vous pensez à qui quand vous dites personne? Vous pensez aux collectivités? Aux collectivités, pensez... les hommes politiques, tout ça, ils ne parlent pas. Et heureusement, on a des personnes sensibles, on a des historiens, des militants comme nous qui essayent. Il y a plein de nos petites associations, on ne fait rien. Mais au moins, nous essayons de faire reconnaître ça parce que sans ça, on n'a pas rien. Sixième fois que c'est commémoré ici, ce sera la 19e fois au niveau international, puisque ça a commencé en 98, c'est facile de faire le calcul. Philippe Bessière, comment se fait-il justement qu'il n'y ait pas un écho plus large à cette commémoration à La Réunion? Pendant longtemps, on a voulu réduire l'histoire de l'esclavage à l'histoire de l'abolition. Mais évidemment, ça ne pouvait pas marcher, parce que dans la mémoire des gens, dans leur généalogie, il y a l'esclavage et il y a la déportation, donc par la traite négrière. Donc c'est important de remonter à l'origine du peuplement, et c'est là-dessus, je pense, qu'il y a comme un tabou. L'opinion, d'une façon générale, ne valorisant pas les origines africaines, et valorisant les origines endogènes, comme on dit, c'est-à-dire nées dans l'île. Alors qu'il faut bien comprendre que le peuplement, il est né de tout un mouvement dont la traite négrière a été une page très importante. De votre côté, Georges Tergémina, comment vous regardez cette date du 23 août? Avec une indifférence, je vous dirais, puisque c'est une affaire qui concerne Saint-Domingue, Haïti, c'est la même île, un événement qui ne nous touche pas en propre, surtout un événement entaché par l'attitude du premier consul à l'époque, c'était mêlé personnel, alors que je ne vois pas, moi du tout, aucune corrélation avec ce qui s'est passé à La Réunion. Il s'est passé beaucoup de choses, on l'a enterré, et je voudrais rappeler l'attitude... Mais c'est un peu fort quand même d'avoir de l'indifférence, vous dites, pour cette date. Oui, mais comment vouliez-vous que je vienne à l'anniversaire de quelqu'un où je ne suis pas invité, et ensuite qui ne me connaît pas? C'est un peu ce que je ressens. Gerbaud disait ceci... avant sa venue à La Réunion, le professeur Gerbaud, que cette partie de notre histoire a été totalement occultée. On parlait d'autres choses, de nos ancêtres venus d'ailleurs, gaulois ou que sais-je, mais surtout pas de cette région d'Afrique, et surtout la traite. Il ne s'agit pas de l'esclavage, il s'agit de la traite. C'est une chose qui a été totalement, entièrement occultée. D'accord. Alors, du coup, on peut revenir peut-être rapidement sur ce qui s'est passé là-bas, en Haïti. Je crois qu'on peut pas laisser dire ça. Bon, autant l'esclavagisme colonial a été mondial, ça a été la première mondialisation d'après Doudoudienne, mais autant l'abolition a été un mouvement international. Et cette date du 23 août 1791 est très importante pour nous, parce qu'elle a débouché sur l'envoi de 3 députés à la Convention, des députés noirs, des députés métis et un député blanc, et libre, et pour demander l'abolition de l'esclavage, qui a été effectivement votée le 4 février 1794. Donc, toute l'histoire de l'abolition, il faut refaire toute l'histoire de la résistance aussi, et bien comprendre que c'est un mouvement mondial qui a abouti à cette abolition. Georges Tergémina, par rapport à ça, Qu'est-ce que vous dites? Il y a quand même un mouvement mondial. Je ne fais pas l'amalgame entre l'abolition de l'esclavage de 48 et, je veux dire, la traite elle-même. La traite elle-même est un sujet particulier. Elle commence avec les républicains au-delà de 1792, où on a surnommé la Réunion à ses origines, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ma paix, du nom d'une conquête qui n'est pas passée. Les républicains ont pris la décision de prendre la première décision d'abolir la traite. Il s'agit de la traite. Je ne conteste pas ce qui va se suivre, mais il s'agit de la traite. Et nous parlerons que de la traite. D'accord. Ce qui s'est passé, peut-être. Alors, du coup, on y revient rapidement sur ce qui s'est passé donc à Saint-Domingue à cette époque, 1791. Philippe Bessières. Saint-Domingue, à l'image de la Révolution américaine et de la Révolution française, il y a eu la Révolution des Noirs, qui a commencé par une révolte des libres de couleur qui revendiquait l'égalité avec les blancs et qui s'est continuée par la constitution d'une armée d'esclaves dirigée par Toussaint Louverture et qui a fait alliance avec la Révolution française contre l'Angleterre, ce qui a permis de gagner la guerre contre l'Angleterre. Et ensuite, quand Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage en 1802, il a dégradé Toussaint Louverture, il l'a capturé d'une façon ignominieuse et il l'a enfermé dans le fort de Joux, dans le Jura. Mais le corps expéditionnaire qu'il a envoyé, dirigé par Richepanse, son gendre, a été battu par les armées de Toussaint Louverture, par les généraux qu'il avait formés, et on est arrivé à la première République noire en 1804. Jusque maintenant, Haïti est un État indépendant. Alors, cette date du 23 août, du coup, est commémorée à La Réunion, vous le disiez, Yvrin Rosalie, depuis 6 ans. Comment ça va se traduire cette semaine ? Il y a eu une conférence de presse ce matin. On a fait une conférence de presse ce matin pour inviter toutes les personnes, tous les artistes. Donc on va débuter ça samedi à partir de 4 heures. Donc il y aura de l'animation sur le lieu de la Ravine Azac. On va commencer par le podium avec le groupe Zandémique qui est là avec Thilin. Et ensuite il y a deux projections de films sur la révolte d'Élie, les forces de liberté de William Cali et Madame Desbassins. Et ensuite, on fait une veillée avec Foncaire, tout ça. Et ensuite, ça va débuter dès le matin, à partir de 8h. Donc, il y aura l'accueil, il y a visite guidée, pour savoir un petit peu le site de Lazare même. Après, il y aura hommage à la mer. On va aller à la mer, hommage à toutes les personnes qui ont été jetées dans la mer par rapport, quand les Anglais attaquent le Bois-Bon, le bateau négrier, ils jettent toutes les cargaisons des esclaves dans la mer. Ils sont mangés par le requin, donc on va rendre un hommage avec les fleurs à ces personnes-là. Ensuite, on va retourner sur le site de la Lazare, la Ravine Azac même, pour déposer un stèle, déposer des fleurs, un hommage à Sudel Fumar, un grand qui nous a quittés. On a travaillé beaucoup ensemble, et François Saint-Omer et Dédé Lansor, trois militants qui ont beaucoup travaillé, qui ont œuvré pour l'histoire de La Réunion. Et ensuite, il y aura un soubat de cause, un ronde causé, comme il dit. Et ensuite, un pique-nique partage, on va partager un gazon manger, une culture dans une feuille banane. Et ensuite, toute l'après-midi, il y aura Foncaire, Cabar, avec pas mal de groupes de musique, Timoris. Même Tissouas, Tifoc, tout ça va passer. Il y a au moins 12 groupes de musique maloya qui vont tour à tour traverser et on va finir vers 20h. Et c'est une journée, un week-end, ces deux journées, une après-midi puis une journée ouverte au grand public. Ouvert au grand public, on invite les écoles, on invite tout le monde, les historiens, les groupes de musique, on invite tout le monde à venir connaître ce lieu oublié, parce que c'est quand même le premier Lazare, et c'est un site vraiment oublié. C'est pour ça, nous, Comité Élie, on bataille pour faire valoriser ce site, faire nettoyer, parce qu'on ne connaît pas ce site. Alors, ce n'est pas la première fois que vous le faites. Vous avez combien de personnes d'habitude? Comment ça se passe? Bon, on va dire, des fois, on a près de 200 personnes, 180 personnes, et ça, c'est l'information. Au contraire, on remercie tout la Réunion Première qui nous invite pour essayer de passer l'information. Vous aimeriez que ça prenne une dimension plus importante? Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là, nous, militants, et on est petite association, mais on invite tout le monde, on voit ça plus important. Pour nous, c'est plus important que 20 décembre. 20 décembre, c'est un tournoi de domino, et un tournoi de football, et cochon grillé, comme dit Daniel. Et c'est pas ça pour nous, 20 décembre, il n'y a pas un travail de mémoire assez conséquent. Donc on veut justement valoriser ce site, valoriser l'histoire de La Réunion. Pourtant, le 20 décembre, Philippe Bessières, c'est la date la plus marquante à La Réunion. Enfin, si on demande aux Réunionnais à quelle date on commémore l'abolition de l'esclavage, on dit tous 20 décembre, évidemment. Vous pensez que la fête CAF, elle est pas, on ne respecte pas assez la mémoire ? Oui, on a toujours voulu mettre plus d'histoire dans la fête, hein, ça c'est indéniable. Et on a un peu transformé l'abolition de l'esclavage comme une récompense octroyée, hein, qui est donnée par la métropole, par le représentant Sarda, etc. Alors que, il faut revenir, c'est une longue lutte contre l'esclavage, pour son abolition, qui a été menée dès les premiers jours, hein, par le marronnage, par les révoltes, et puis par cette guerre d'Haïti qui a été décisive. Mais ça marque quand même l'aboutissement de ce combat-là, non ? L'aboutissement, oui, ça marque l'aboutissement. Et c'est pas ça qu'il faut commémorer ? Il faut le commémorer aussi, mais pas de façon isolée, il faut le réintroduire dans l'histoire. C'est pas une date qui tombe du ciel comme un cadeau. Alors, le 20 décembre, il y a quand même des reconstitutions, en quelque sorte. On voit à Saint-Paul, par exemple, une arrivée d'esclaves pour montrer aux jeunes comment ça se passait et comment c'était très, très dur, évidemment. Est-ce que ça, c'est bien, Georges Tergémina ? Je vais encore faire part de mon avis personnel. C'est une comédie qu'on joue. Vous savez déjà les personnages. La figuration, la scénographie ne représente nullement de ce qui s'est passé il y a deux ou trois siècles de cela. Oui. Si vous voulez, nous avions une forte documentation qui nous montre effectivement ce qui s'est passé. Les tenues, les personnes, les individus, les circonstances. Et donc, je veux dire, ce qui se passe à Saint-Paul, c'est gentil, c'est du folklore, mais ça ne reste que du folklore. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors de plus pour sensibiliser les jeunes générations à cette histoire ? Dans la commémoration du 20 décembre, on s'adresse toujours à une clientèle qui est à la recherche de situations festives. Vous voyez ? Festives. Et donc, si vous voulez, je veux dire, si on menait des opérations qui interpelleraient, je veux dire, des interrogations d'ordre sociologique, psychologique, et voire même mieux, je crois qu'on va un peu dans le mur. Alors, y a-t-il une solution à trouver ? Je pense qu'il nous faudra peut-être trouver d'autres élus qui le comprendront. Ce serait quoi, vos propositions pour... Moi, personnellement, je n'ai pas de solution. Je ne suis pas historien. Moi, hein. D'accord. Donc, ça veut dire, mais pour commémorer cette date du 20 alors, décembre, ou d'autres ? Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple. C'est dans le cadre de la traite. Effectivement, en désaccord avec mon ami Philippe, car nous sommes toujours amis, c'est que nous avons une divergence au niveau de la réception. C'est que il a effectivement parlé de cette révolte de Saint-Domingue. Mais moi, je voudrais parler qu'uniquement ce qui s'est passé à La Réunion. Nous avions des choses qui se sont passées, nous avions des dates, nous avions des événements. Je vais vous donner trois dates. Celle de 1117, lors de la réinstallation du roi Louis XVIII, sur son trône, les Anglais avaient posé comme condition qu'il applique ceci. Ça a été redemandé, ressollicité par les Anglais en 1727. Il y a eu une avancée, je veux dire, d'ordre administratif, avec l'avènement de la monarchie de Juillet. Mais je tiens à dire, il n'y a jamais eu, on n'a jamais dépassé les intentions dans les faits. Si vous voulez, 1848 enfin va résoudre le problème. Et voilà où est la différence. 02 62 99 2000, 06 92 70 2000. On parle de cette journée de commémoration, c'est le 23 août, la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition sur la première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat. 02 62 99 2000. 99 2000. Et donc, on va rester peut-être sur cette commémoration et ces différentes dates qui existent. Yvrin Rosali, on a parlé du 20 décembre. Vous avez dit ce que vous en pensiez de cette date. Pourquoi on parle de folklore aujourd'hui ? On parle de folklore parce que c'est un truc un peu encore masqué. Parce que quand on voit justement le 20 décembre, il y a encore des magasins, ça fait tourner encore l'économie et de La Réunion. Certains en profitent ces jours-là pour travailler et... C'est pas logique. Parce que nous, on a les dates, par exemple, la révolte d'Élie, la révolte de 1811, où moi-même, je ne connais pas, et nous, là, apprendre ça grâce à M. Prosper Eve, à Philippe, qui a travaillé là-dessus. Et donc, c'est des dates importantes. Nous, la vie, qu'il faut travailler sur ces dates importantes. Mais le 20 décembre, c'est un peu. C'est un peu. C'est vrai, l'abolition de l'esclavage est important parce que c'est là où maintenant les abolis, c'est la fête dans la rivière Saint-Denis, où ça en avait un grand cabas, la fête, tout ça. Mais il faut savoir aussi comment, quelles conditions de vie, par exemple le marronnage. Nous, on fait des sorties là-haut sur le marronnage, dans les Hauts-de-Saint-Leu, avec l'histoire de Pharaons. Et tout ça, il faut mettre en avant tout ça. Des sorties pédagogiques aussi. Sorties pédagogiques avec les enfants, les mamas, les associations, tout cela, ils invitent à nous ramènent les gens là-haut et nous les ouvrent à ça quoi. Allez, à 12h33, on prend la direction de Saint-Paul. Il y a Jean qui nous appelle de l'Ouest. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis dans le milieu associatif. Hein. Oui. C'est pour ça que je fais pas vous appeler. Les personnes, parce que j'ai pris votre émission en cours. Hein. Donc, me permettez à moi de mettre un petit coup mon grain de sel aussi. Allez-y, c'est fait pour. Parce que c'est comme si un gâteau. Quand on fait un gâteau, là, à la base, chacun met les ingrédients qu'il veut. Il y en a un peu, vous en faites un gâteau de patates, il y en a un peu, il va mettre plus de patates, il y en a un peu, il va lui mettre ça, il va mettre ça, il va mettre ça, il va mettre ça. Avec l'évolution, avec les on-dit, avec les écritures, chacun les interprète à sa manière. Par exemple, le 20 décembre, là, il ne fait pas forcément l'esclavage pour moi, c'est un journée de liberté. Chacun, il fait ça qu'il veut, il est libre. C'est ça. En fait, qui veut dire la liberté. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Si je veux travailler, je travaille. Si je veux aller faire la fête, mais ça fait la fête. Si je veux aller baiser mon rhum, mais ça danse maloya avec Daniel Waro, je fais ça que je veux. C'est un journée où ça, moi, n'a pas une contrainte. Vous parlez-moi de Lazaret, vous parlez-moi de tout ce que les individus, que la forme, la réunion, là. Il y a énormément de on dit. Mais quand ça va dans la réunion profonde, en lui-même, comment l'esclavage arrive à la réunion, comment la population a été créée là, les divergents, mais énormément, on en a énormément de choses. Au niveau des écritures, on n'a pas énormément de choses qui ont été écrites. Plein de on dit. Donc les personnes qui sont sur le plateau là, mais par contre, ce que ça te dit moi, mais quand on écoute le grand monde longtemps, que Dieu, comment le maloyal était interdit par rapport à ça. L'autre était interdit par rapport à ça. Ça. À l'heure d'aujourd'hui, là, nous avons un peuple qui, ici, qui a été créé par la divergence. Oui. Là, pour rien, il était fort, vraiment, qu'il était dit, il était fait comme il était dit. Par exemple, Mme Desbassins, on en a plein de choses qu'il était dit, suivi, et après, quand on lit, il était contredit. Hein? Par exemple, comme la personne a dit, moi, le 20 décembre, il travaille toujours. Monsieur, moi, il est libre de faire ce que il veut. C'est ça la liberté d'expression dans une démocratie. Maintenant, on a la chance d'exprimer à nous, de dire ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons. Et donc, vous avez la liberté. Comme ça, vous avez la liberté de le dire sur Réunion Première. On va vous remercier parce qu'on va laisser la parole peut-être aux autres personnes qui souhaitent intervenir au standard. Il reste 10 minutes, donc dépêchez-vous de nous appeler. Une réaction, Yvan Rosali, à ce que nous dit Jean. Ben oui, ben, les vrais, comme vous dit, comme monsieur l'a dit, il crée la divergence, les vrais, nous les nés dans le déni aussi, nous ne connaissons pas notre histoire, les vrais. Mais pour moi, 20 décembre, quand vous faites la liberté, le pas aujourd'hui, là où doit travailler, Dieu de patron, écoute, aujourd'hui, moi, m'y travaille pas, et c'est, m'y doit faire tailler, m'y doit rendre un hommage à toutes ces bonnes ancêtres. La bataille pour nous, la créer l'économie, la richesse, ces bonnes gros blancs là. Et moi, pour moi, moi, n'est pas d'accord que 20 décembre, tout le monde y travaille. En décembre, c'est un jour. Si vous savez aux Antilles, là-bas, ils croient pas si bon, ils travaillent. Si vous savez d'autres pays, ben, là, ils respectent ce jour-là. Et ce jour-là, il est important. Donc, nous faisons ça pour nos ancêtres et nous ne devons pas aller travailler. Peu décrit, Philippe Bessière, nous dit Jean, des avis contradictoires, des versions qui diffèrent. Qu'est-ce que vous en dites, vous, l'historien? Sur le 20 décembre, c'est une date qui est d'abord la plus populaire à La Réunion. Première chose. Ensuite, elle est disputée parce que chacun veut essayer de tirer la couverture à soi. Alors, c'est Bienheureux Cupidon, c'est les francs-maçons, on apprend que Sarda était franc-maçon. Ensuite, c'est différentes tendances catholiques. On dit, bon, l'abbé Bonnet qui est venu avant, on dit... Bon, on essaye de récupérer les choses jusqu'à Jospin qui dit « Ah ben c'est la gauche, hein, et la droite était esclavagiste, contre toute vérité historique. » Donc c'est vraiment la récupération à plein nez. Nous, ce qu'on voudrait avec le 20 décembre, c'est qu'ils respectent un peu le devoir de mémoire. Et qu'il faut s'opposer à la folklorisation. Parce qu'on met ça à la place de l'histoire pour empêcher justement de réfléchir sur l'histoire. Les reconstitutions, c'est très bien, mais quand on voit déjà que des Noirs se mettent du cirage noir sur la peau pour faire les esclaves, ça interroge sur le rapport qu'ils ont avec leur propre couleur, je veux dire. Et ensuite, quand on voit que les esclaves, à peine débarqués, on voit un Sarda Garrida arriver et libérer tout le monde sur le champ, bon, on dit que ça, c'est pas de la reconstitution, franchement. Et donc, il faut, au contraire, profiter de ces dates qui sont investies par le populaire pour refaire l'histoire du quartier, refaire l'histoire de l'habitation, reconstituer des camps de paillotes, bon, comme ça a été fait, par exemple, au musée de Villers. Ça, c'est très bien. Et il faut continuer dans ce sens-là pour que les gens sachent vraiment, eh bien, de qui on tient cette libération. Ça, c'est important. Georges Tergimina, Jean, il vous a répondu un petit peu aussi, là, quand il a appelé, en disant c'est la fête de la liberté, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Et moi, je lui dirais tout simplement qu'il le fait comme il veut et il fait ce qu'il veut. Vous savez, c'est ça la liberté. Et j'y tiens moi-même dans le plus tréfond de mes valeurs. Mais toujours est-il que cette attitude, le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une désolidarisation de son comportement par rapport à notre histoire. Si vous voulez, Yves Rosalie racontait tout ça, qu'il y avait 200 personnes qui viennent à notre festivité. Ben avec un comportement identique, bientôt nous serons les trois ou les quatre qui sont autour de la table. Mais vous parlez de festivité, alors que tout non, à l'heure vous disiez... Non, pas de festivité, mais bon... C'est le mot que vous avez utilisé. Yvray est responsable d'une association, et donc, si vous voulez, bon, mais s'il y a un aspect festif, moi, je veux dire, j'ai la goutte. Donc, vous savez, je vais plutôt ignorer cette partie, mais ce qui me tient à cœur, c'est la partie historique que, enfin, je vais vous dire, si... que ça se rapproche un peu des choses, pas des histoires racontées par le clergé de l'époque, pour faire bien dans les chaumières, vous savez. Et cette histoire qui se passe à Saint-Paul, et qui se passe aussi ailleurs, hein, je veux dire, hein, l'histoire de le convoi de bœufs avec la mariée sur les roues de voiture qu'on tourne, tout ça, faut arrêter un peu le folklore, je pense. Alors, on va monter du côté de Salazy, on va prendre la fraîcheur des hauts avec Thierry, qui nous appelle, et qui souhaite nous parler d'enseignement. Bonjour Thierry. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Alors j'ai une question, je voudrais savoir quelle est la place de l'enseignement de l'esclavage au niveau de l'éducation nationale, c'est ma première question. Et ma deuxième, pourquoi Salazy, qui est un haut lieu du marronnage, tout à l'heure vous avez cité le professeur Prosper Eve, j'ai pensé de suite à la Caussade et bien entendu à Anchin, pourquoi il n'y a pas ici, dans cette commune, un lieu où il y aurait un monument, soit à l'échelle régionale, c'est-à-dire construite par la région, ou soit communale, mais je pense plus régionale. Il y aurait un impact au niveau des touristes, c'est-à-dire où on élèverait une statue à l'effigie d'Anchin. Eh bien, écoutez, allez-y, je vous laisse finir. Qui était un esclave, Salazy est connu pour ce lieu où on dit un haut lieu du marronnage, lieu de décision sage, c'est-à-dire les esclaves prenaient attache auprès de l'esclave Anchin. Voilà, donc mes deux questions, c'est sur l'éducation et sur un mouvement régional qui rassemblerait autant les Réunionnais que les touristes, parce que c'est bien de commémorer, faire des commémorations, mais c'est encore mieux de le lier à des actes, à du pragmatisme, voilà. Alors concernant un monument à Salazy, on essaiera de poser la question demain matin à Stéphane Foissin, qui est le maire de Salazy, qui sera l'invité de la matinale, donc ça tombe bien, on pourra lui poser la question. Et puis je vais poser la question, cette même question, elle se pose à nos trois invités dans l'immédiat, évidemment. Yvrin Rosalie. Oui. Il faudra, parce que il faut des lieux, par exemple des lieux de mémoire, il faudra, hein, parce que quand nous regardons en Afrique du Sud, partout, ça, la colonie, l'esclavage, la traite négrière, on en a des monuments, mais nous sur La Réunion, on ne voit pas un lieu vraiment où on a... Dimitil, plateau Dimitil. Pourquoi pas Dimitil. Il y a plusieurs lieux, parce que Dimitil, heureusement, dans des associations là-haut qui nous saluent, qui font un travail sur Dimitil. Il y a le Lazaret de la Grande Chaloupe aussi. Il y a le Lazaret de la Grande Chaloupe. Il y a tout le monde essaye de travailler un peu. Il y en a des réseaux qui travaillent dans chaque ville, mais il faut avoir regroupé toutes ces personnes-là pour faire chacun son travail et regrouper tout le travail. Et sur la première partie de la question de Jean, c'est pas Jean, c'est Thierry. La première partie de la question de Thierry sur l'éducation nationale, la place de l'histoire réunionnaise dans les programmes. Ben, moi, je ne m'y connais pas exactement parce que, bon, les voix, je ne côtoie plus trop l'école. Peut-être, bon, Philippe, il peut dire une parole là-dessus. Comment autres y voient l'école? Est-ce qu'il y en a une avancée là-dessus? Philippe Bessien. Il y a eu une avancée parce qu'il y a eu une adaptation des programmes, mais comme le nom l'indique, on a mis un peu d'histoire de la Réunion dans une histoire de France et ça me paraît difficilement compatible. Je veux dire, on a du mal à comprendre, bon, les décalages qui existent. Et on a du mal à saisir vraiment la continuité de l'histoire réunionnaise. Je pense qu'on aurait besoin de l'enseignement d'une histoire régionale séparée. Alors ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Ben ça dépend surtout des politiques, hein, qui peuvent décider au niveau du département, par exemple, de faire cette discipline-là, cette matière-là d'histoire régionale, ou de langue et culture régionale, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut prendre, mais ça existe dans d'autres départements. Hein. Et aujourd'hui, la place accordée à cette page d'histoire de l'esclavage à La Réunion, ça prend pas assez de place, on n'y consacre pas assez de temps? Bon, je veux dire que c'est une illustration de l'ancien régime et puis de ses méfaits, quoi. C'est un peu une illustration qui vient en plus. Mais on n'a pas la dimension du peuplement. On n'a pas la dimension de la constitution d'une île et d'un peuple. C'est ça qui me paraît important. Parce que, bon, l'esclavage vient comme ça et on ne sait pas d'où il vient, justement. Et c'est évoqué à quel niveau dans le cursus scolaire? Alors, c'est évoqué en quatrième et de nouveau en seconde. D'accord. Pareil, Georges Tergemina, sur ce premier point de l'éducation nationale, de la place de l'histoire. Écoutez, je ne vais pas aborder ce domaine, je crois que Bessière vous a répondu. Je resterai à une anecdote, celle de les tentatives, je dirais, réussies pour certaines, d'implanter sur des lieux de mémoire, des stèles. Et nous avions vu la société civile. Je nommerai pas son auteur principal, qui a trouvé que c'était dégradant pour l'image, je veux dire. Vous faites référence à la stèle qui se trouve à l'aéroport Roland-Garros pour les enfants de la Creuse? Oh, ailleurs aussi. Il y a plein de CAF. Oui, il y a partout. On a voulu changer le nom à plein de CAF. Il y a des gens de la société civile, des notables, beaucoup moins importants que par le passé, car le notable a été d'une force par le passé, qui pouvaient faire basculer quasiment toute une décision, qui s'était livré en disant que ça faisait une mauvaise image, que ça noircissait un peu l'horizon, qui était déjà noir d'ailleurs. Et donc, bon, vous comprenez, moi, à travers les lignes, je ne veux pas les nommer, mais bon, c'est encore un chemin très très long à faire. Oui, ça, Yvrin Rosalie, vous êtes d'accord là-dessus? L'état d'esprit. Il faut changer l'état d'esprit parce que quand on voit certains élus, bon, je n'ai pas trop d'accord avec ça. Par exemple, nous voit la voulu changer le nom de la plaine des CAF. Ben, si nous, en tant que militants, nous n'étions pas debout pour dire non, mais il y en a son histoire. Ben, c'est des personnes qui sont au pouvoir, que c'est nous qui mettent au pouvoir. Ben, il fait n'importe quoi. Oui, il y avait un projet de rebaptiser la plaine des CAF en plaine des volcans. Voilà, hein, la plaine des volcans, t'es fait plus joli, t'es fait plus rouge, et la plaine des CAF, t'es fait trop noir. Donc, heureusement, nous étions là avec toute bande militante, que la bataille pour ça. Et comme aujourd'hui, quand on y voit la France, il dit oh, la France, race blanche, judéo-chrétien. Ils mettent encore la religion, et comme nous connaît, l'église, ou que ça l'a amené, l'a drainé dans tout le système d'esclavage, il a cautionné toutes les erreurs humaines. L'esclavage, c'est crime contre l'humanité. Quand le ministre Taubira l'a dit qu'il faut reconnaître l'esclavage, crime contre l'humanité, la confondre aille comme un singe. Donc, il veut dire, nous n'avons qu'un gros avancé là-dessus. Il faut nous être debout, il faut nous conscience, le subconscient, les éveiller encore, parce qu'ils nous connaissent aussi. Il y en a certains ici, la Réunion, ils ne sont pas autres. Peut-être qu'ils sont plus autres réunionnais. Ben allons faire Halloween, Santa Barbara, ben affaires comment? Christiane Taubira, qui avait fait adopter le 10 mai 2001 la loi reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et c'est cette date du 10 mai, justement, que Jacques Chirac avait repris pour en faire une journée commémorative de l'abolition des esclavages en métropole. Il n'y avait pas de date jusqu'à là pour marquer ce phénomène au niveau national. Est-ce que ça a été une bonne chose? Et est-ce qu'il faut s'emparer de cette date du 10 mai, Philippe Bessière, à La Réunion aussi? Je Bon, on a été extrêmement vigilants sur cette appropriation, accaparement de l'histoire. Nous, c'est politique. Oui, c'est politique. Enfin, le 10 mai, c'est Mitterrand aussi. Je veux dire, c'est pas un hasard. Et le dernier vote de la loi, c'était au Sénat. Je crois que c'était le 27 mai, donc c'était pas le 10 mai. Donc là, bon, il faut faire très attention. Est-ce que ça contribue à la réappropriation de l'histoire? Vous êtes en train de dire que Jacques Chirac a voulu effacer François Mitterrand? Que James Chirac était adversaire de Mitterrand. Oui, je veux dire, là, c'est pas un scoop. Hein, bon. Ce qui est important, c'est que c'est l'histoire des gens vécus dans leur quartier qui refasse surface. Qu'on sache où sont les morts, par exemple. Ça, c'est une demande constante. Et ça, dans les quartiers, eh ben, la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que souvent, on a construit dessus, on a bitumé, on a voulu de la même façon effacer l'histoire, un peu comme on a fait pour la prison des Bassins. Donc, il y a un devoir de vérité qui s'impose encore et qu'il est important de faire avancer à l'occasion de ces dates-là. Merci à tous les trois d'être venus parler au micro de Réunion Première de cette journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. On aura l'occasion d'y revenir certainement le week-end prochain avec le week-end organisé à la Grande Chaloupe. Yvrin Rosali, président du comité Eli, oui. Philippe Bessière, historien, et Georges Tergémina, anthropologue. C'est dans l'actu demain, la rentrée universitaire. Les étudiants reprennent le chemin de la fac avec des problèmes financiers, des problèmes d'orientation. Orientation également, on aura l'occasion de revenir sur tout ça dans le 12-13 demain sur Réunion Première. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Allô? Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Oh, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. Première. Pratiquement midi 50 sur Réunion Première. Toute l'info à 13h avec France Info. Là, c'est la musique, vous l'avez constaté. Et c'est Ingrid pour vous accompagner. Merci Philippe, à demain. Alors après s'être fait connaître en tant que chanteur du groupe NZH, Kimaï s'est lancé dans une carrière solo, enfin solo. Ici, il collabore avec Gary Victor sur ce titre. C'est Zoli Mamzel qu'on écoute tout de suite. France, Maurice, Gary Victor et l'amour qu'on appelle Kimaï. Bétangos, dans moi, dans le monde entier. Bétangos, aïe aïe aïe, vous signalez. out of town. Stop the games, no more playing on my mind. Gave you an inch, then you took another mile. It's alright, it's alright, stay fly, stay fly. I've been running around living a crazy life. Keep on talking, I can see through your disguise. Ooh, I ain't playing in no mind. It's alright, it's alright, stay fly, stay fly. Been a while, the words you say still linger on my mind. Gotta shut you out. Shining bright. Stand tall and keep your head up to the sky. It's alright, stay fly. Ooh, we keep it going, we don't stress, no. Ooh, we trigger finger on a whipper. Ooh, we cock it back and lock and load. Ooh, we about to kill it with love, love. Been a while, the words you say still linger on my mind. Gotta shut it down. Extrait de son prochain album, toujours en préparation, c'était Weapon de la jeune danoise Nabiha. Le retour de l'information nationale et internationale, ce sera à 13h avec France Info. Et puis juste après ce journal, vos rendez-vous habituels, la météo, le zapping, l'actu insolite, l'invité de la matinale à 13h30 en rediffusion. Mais d'ici là, voici Marie-Jane Gaspard sur Réunion Première, Zispoulisier. D'après la tradition qui fait nous vivre ensemble, en sent ti signature, non c'est les marivames. Avant d'y na la gamme, donne-moi non madame. Azodi c'est la flamme, au sang di poena drame. L'alliance dans mon les doigts, salisis bouligé. Ne plié na l'amour, ne plié na nonye. Trop longtemps nous pe vivre, comme à d'étranger. La vie nous bien menée. Nous avons fait nous misère, nous va vivre dans les bonheurs. Dans ton figure, dans ma figure, à peine un sourire. Livre meilleur pour dire, qui fait l'air pour qu'elle taille. Qu'est-ce que ça fait? Get to my affair, too late. Réunion première, il est 13h, voici le journal de France Info. À l'écoute de France Info, il est 11h, le journal Aurélien Tirard. Bonjour Aurélien. Bonjour Marie, bonjour à tous. Les traits tirés par la fatigue, mais prêts à en découdre, les éleveurs se relaient devant le siège de Lactalis à Laval. Nous irons sur place dans un instant. À la une également ce matin, cette catastrophe économique pour l'Île-de-France. Le tourisme à Paris n'a jamais autant baissé, moins 1 million de touristes ces derniers mois, des étrangers essentiellement. Qu'y a-t-il dans les livres de Nicolas Sarkozy qui sort demain en librairie? Que raconte le nouveau candidat à la primaire de droite pendant 230 pages? Nous le verrons dans un instant. Il fait chaud, plus chaud que d'habitude, 34 degrés à Toulouse cet après-midi. Vous aurez 33 à Paris, 32 à Lyon et du soleil pour tout le monde. La météo de Sophie Bria dans 10 minutes. France Info. Aurélien Tirard. Ne rien lâcher, c'est le mot d'ordre des agriculteurs qui se sont installés hier soir devant le siège de Lactalis à Laval en Mayenne. Le numéro 1 mondial du lait accusé d'être le numéro 1 des mauvais payeurs. Les actions des producteurs laitiers venus du Grand Ouest vont se poursuivre. Ils vont poursuivre leur opération pour obtenir enfin l'ouverture des négociations sur le prix du lait. Jérôme Jadot, vous êtes sur place à Laval. Ceux qui ont passé la nuit ici, parfois en dormant sur un peu de paille, sont partis relevés au lever du jour par une trentaine d'autres agriculteurs, les traits tirés, café de rigueur sous le chapiteau installé en face du siège de Lactalis. Ouais, on fatigue, mais on est fidèle au poste quand même. Tard hier soir, tôt ce matin? Ouais, deux petites heures et demie de sommeil, quoi. C'est nécessaire, c'est surtout très urgent. L'urgence, c'est de relever le prix du lait, payé environ 26 centimes le litre. Ça n'est plus viable, regrette-le.